Bienvenue sur le standard automatique de l'Institut français. Si vous connaissez le numéro de poste de votre correspondant, merci de taper 9 suivi du numéro de poste de votre correspondant.